Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, écoutons les besoins du corps et de l'alimentation. Une émission donc que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience, mais également Fanny Grandjean, diététicienne spécialiste du comportement alimentaire et instructrice de méditation également. Eh bien bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme, bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Jérôme, bonjour Dorothée. Eh bien bienvenue à toutes les deux pour cette nouvelle émission de l'Instant Présent. Alors, être attentif à ses émotions, à son corps et à ses réactions est très important car il s'agit d'un message que le corps vous envoie. Mais encore faut-il savoir écouter son corps. Alors justement, nous allons apprendre à écouter son corps en prenant l'exemple de l'alimentation et plus précisément l'alimentation intuitive. Et pour en parler, bien évidemment, fidèle au poste de l'instant présent, Dorothée Lacroix, sophrologue, mais également donc Fanny Grandjean, diététicienne, qui rééduque le comportement alimentaire. Alors avant d'aller plus loin, première question, on entend beaucoup parler de l'alimentation donc intuitive, mais qu'est-ce que c'est Fanny ? Alors l'alimentation intuitive, Jérôme, est l'opposé exact de l'intelligence artificielle. C'est en fait un mode d'alimentation qui consiste à écouter son corps et ses besoins. En alimentation intuitive, j'essaye de me connecter à mes sensations alimentaires, à la sensation de faim, de satiété, et à la sensation de rassasiement, afin de me laisser guider par elle, parce qu'en fait, le corps exprime physiologiquement exactement ce dont il a besoin. C'est un peu comme quand on est, le bébé a besoin de lait, de s'alimenter, et pour cela, il ne se sert pas du tout de son cerveau, mais de ses sensations. Donc si j'ai bien compris, l'alimentation intuitive n'a rien à voir avec un quelconque régime alimentaire. En effet, Jérôme, rien à voir. À l'origine, l'alimentation intuitive a été définie par deux diététistes américains en 1995. Ils ont décrit 10 aspects de l'alimentation intuitive et parmi eux, on retrouve un rejet des régimes, un découragement à étiqueter les aliments comme bons ou mauvais, notamment mauvais, et un encouragement à honorer la faim et à permettre la satisfaction de celle-ci par l'apport alimentaire. Donc une bonne nouvelle hein, pour nos auditeurs, il n'y a pas donc de bons ou de mauvais aliments. Et je suppose Dorothée que certains patients viennent te consulter car ils sont à la recherche justement d'une alimentation équilibrée. Est-ce que tu évoques cette pratique de l'alimentation intuitive ? Alors moi je ne l'évoque pas directement, je renvoie vers Fanny. Par contre c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, en général elles ne viennent pas directement avec cette intention par rapport à l'alimentation. C'est plutôt des problématiques de stress ou d'impulsivité et qu'on va aussi tout à fait retrouver dans l'alimentation. Donc au fur et à mesure des séances, de la découverte de la personne, eh bien, on peut se rendre compte qu'effectivement orienter vers l'alimentation intuitive peut leur être une ressource précieuse. Alors soyons concrets, Fanny, peux-tu nous expliquer comment être totalement présent et connecté à son corps ? Alors pour être présent et connecté à son corps, on utilise la méditation de pleine conscience. L'alimentation intuitive en fait est centrée sur l'intérieur, sur ce qu'on peut ressentir. On pourrait appeler cela une alimentation consciente. C'est ce concept d'alimentation consciente qui est intéressant. Parce qu'en fait, il va nous permettre d'utiliser la méditation de pleine conscience pour aller chercher la sensation de faim physique et la sensation de faim psychologique. Quelle que soit la sensation, nous allons tenter d'apporter au corps la réponse juste à ces signaux en termes d'alimentation, en procédant donc à des choix alimentaires conscients. C'est-à-dire des choix qui vont être aussi bien bons pour la tête que bons pour le corps. On apprend donc à être conscient dans le moment présent, dans le moment où l'on mange. On prête attention aux effets de la nourriture, au fur et à mesure de la dégustation. On prête attention à tous ses sens, à nos sensations physiques, à nos émotions. Et tout ceci permet de faire le point sur le déroulement de l'acte alimentaire et la réponse à l'alimentation. Alors, concrètement, là, tu parlais de faim physique et de faim physiologique. Est-ce que tu peux concrètement nous donner un exemple ? À quel moment on ressent donc une faim physique ou psychologique, pardon ? Oui, tout à fait. La faim physique ou la faim psychologique, on va avoir une faim physique quand on va ressentir une sensation alimentaire particulière dans le corps. C'est-à-dire, parfois, ou même très souvent, une sensation de creux qui va se traduire par des gargouillis. Par contre, lorsqu'on a envie de manger, mais qu'on ne ressent aucune sensation corporelle, alors là, on va pouvoir imaginer qu'on a une faim plutôt psychologique. D'accord. Alors, comment choisir justement les aliments en réponse à ces signaux de faim ? Alors, on choisit les aliments en se connectant à l'ensemble de ces sensations alimentaires et en fait à ses envies. Peu importe l'aliment qui va être envié, on ne catégorise pas, comme on l'a dit, les aliments mauvais pour la santé ou bons pour la santé. Tous les aliments peuvent être consommés et on va pouvoir faire le choix en fonction de notre envie. Le signal de faim, finalement, ne se manifeste généralement donc au niveau du ventre, mais dans nos sociétés où on ne manque pas vraiment d'alimentation, c'est une sensation qu'on ne ressent pas forcément tout le temps. Et cette sensation de faim va nous indiquer la dose à servir dans son assiette. Finalement, on pourrait dire que la taille du creux nous permet de connaître la taille de notre assiette. Si j'ai un petit creux, je mange une petite assiette. Et si j'ai un grand creux, je mange une plus grande assiette. Alors que l'envie alimentaire, elle va nous indiquer la qualité de ce qu'on doit manger. Si j'ai envie de manger quelque chose qui cale, alors je vais plutôt aller vers les féculents. Et si j'ai envie de quelque chose de léger, alors je vais peut-être manger de la tomate ou du concombre. Alors, prenons un cas concret, le mien, moi, concernant la faim psychologique, moi je suis gourmand par exemple et j'aime le chocolat, hein, donc je dois suivre mon envie, c'est ça si j'ai bien compris. C'est exactement ça, suivre son envie en étant connecté au moment présent, au moment où le chocolat entre dans la bouche et au moment où la satisfaction de l'envie se fait atteindre. Voilà, il faut prendre son temps. Savourer, c'est ça, ce morceau tout de chocolat et ne pas le manger trop rapidement, si j'ai bien compris. Le déguster, être pleinement dans l'expérience. Et comment faire si je m'en veux après avoir mangé un peu trop de chocolat ? Est-ce que je culpabilise ? Ah, on va passer la parole à Dorothée, la culpabilité. La culpabilité. Comment j'accepte la culpabilité ? Eh bien, en fait, si je m'en veux, c'est que j'ai conscientisé. En fait, cette culpabilité qui s'est exprimée tout simplement par une sensation, par une émotion et qui a peut-être aussi entraîné une pensée. T'aurais pas dû, tu as encore craqué ou peu importe les pensées que ça entraîne. Et cet insight, en fait, cette façon de voir clair en soi-même à ce moment-là, eh bien, c'est de s'accepter entièrement. Et ça constitue l'une des conditions clés du processus global sur laquelle la personne peut s'appuyer pour avoir des notions d'intégration supérieure. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, c'est par exemple développer de la bienveillance envers soi-même et donc laisser pleinement son corps s'exprimer sans frein pour tout ce qu'il a exprimé, même si c'est désagréable, comme la culpabilité. Très bien. Alors, Fanny, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les avantages donc, à pratiquer justement l'alimentation intuitive ? Alors, les avantages sont qu'on va écouter son corps de manière globale. Donc, son corps, mais aussi son psychisme. En fait, c'est un petit peu une approche biopsychosensorielle qui va réunir la satisfaction des besoins du corps grâce à l'écoute des sensations alimentaires, mais aussi la reconnaissance de la souffrance émotionnelle en lien avec l'alimentation, le poids, le corps, mais aussi les injonctions et les pensées un petit peu rigides qu'on peut s'imposer. Et donc, qui va nous permettre de faire un pas de côté pour pouvoir adoucir le mental. Finalement, l'alimentation intuitive, ce n'est pas seulement l'histoire de manger quand on a faim ou de s'arrêter quand on n'a plus faim. C'est une approche qui va regrouper des principes qui reposent sur les émotions, l'image corporelle, la perception des aliments et encore d'autres points comme comme apprendre le respect de ses sensations internes, mais en aucun cas ce sera de nouvelles règles à suivre. C'est un processus qui va être plutôt souple et qui va être modifié au fur et à mesure de chaque expérience. Alors je suppose que l'alimentation intuitive est une pratique qui n'est pas facile donc, à mettre en place, notamment au départ. Et pour cela, vous allez nous donner quelques conseils pratiques, mais avant on va faire une pause musicale en écoutant justement une chanson autour du développement personnel. Alors Fanny, quel a été votre choix ? Alors mon choix est la chanson « Mon corps » de Zao de Sagazan. Alors pourquoi ce choix ? Alors cette chanson explique la façon dont on peut passer à côté des messages essentiels délivrés par son corps, en l'oubliant ou en le jugeant. Elle rappelle que le corps est notre véhicule pour traverser cette vie et qu'il est important de le prendre en considération pour ne pas le retrouver mort, comme elle va le dire dans la chanson. Il est l'interface entre le monde extérieur et un monde intérieur. Il peut être donc intéressant, pour utiliser une métaphore de Jean-Christophe Sesnec, de franchir la porte et d'explorer cette intériorité sans se perdre à bavarder sur la forme des gonds. Eh bien, découvrons dans votre coup de cœur musical donc Mon corps de Zao de Sagazan. Voilà, c'était donc le coup de cœur donc, de Fanny. Donc, vous me rappelez le nom de l'interprète et la chanson ? Alors, Zao de Sagazan pour la chanson « Mon corps ». Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Alors vous êtes bien donc sur Radio Fadjet, vous écoutez donc l'instant présent, l'occasion donc d'aborder le développement personnel, donc sous la forme notamment de conseils pratiques. Alors on a abordé dans la première partie donc de cette émission l'importance d'être mieux connecté avec son corps en termes d'alimentation, de l'écouter afin d'améliorer son bien-être physique, son bien-être mental. Alors justement donc Dorothée, je pense qu'il est important de respecter en termes d'alimentation les limites de son corps. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire écouter son appétit surtout, reconnaître les signes sur son corps lorsque l'on n'a plus faim, tout simplement pour sortir du pilote automatique, ce fameux pilote dont on parle depuis le début de l'émission, depuis l'instant présent a débuté. Il faut prendre conscience que l'on est en train de manger pour manger sans assouvir sa faim. Et ça, c'est pas toujours évident, effectivement, de savoir pourquoi est-ce que je mange. Est-ce que c'est pour assouvir une faim ou est-ce que c'est pour autre chose ? Mais le fait de s'en rendre compte, en observant les sensations corporelles, va permettre de sortir de ce pilote automatique et de changer ses habitudes. Alors, par exemple, est-ce que c'est un bon comportement, l'idée selon laquelle, par exemple, on ne doit pas se resservir une deuxième fois pour un plat donné ? Alors, d'après vous, ça c'est la faim plutôt psychologique. Ça dépend de ce que va demander le corps et du niveau de remplissage de l'estomac. Parfois, on a une grande faim, on se sert une trop petite assiette et effectivement, on n'est pas totalement rassasié à satiété et donc on a besoin d'une petite rallonge. Donc toujours se connecter aux sensations alimentaires pour essayer de faire la part des choses entre effectivement le mental, la gourmandise et les vrais besoins physiologiques. Très bien. Alors justement, Fanny, passons maintenant à la partie pratique. Quel premier exercice peut-on conseiller à nos auditeurs lorsqu'ils commencent leur petit déjeuner, par exemple ? Alors, une petite routine quand on commence sa journée ou à chaque fois qu'on arrive sur un temps de repas, c'est déjà de commencer par prendre un temps pour évaluer comment est votre appétit. Comment ça se passe dans mon corps ? Comment ça se passe au niveau de mon ventre, de mon estomac ? Puis, prendre quelques instants pour se centrer sur sa respiration. Pendant 2-3 respirations. Et élargir progressivement le champ de l'attention à l'ensemble du corps. Ensuite, focaliser vers les sensations de l'estomac. Est-ce que je ressens de la faim ? Est-ce qu'il y a un creux ? Est-ce que mon estomac se tord ? Peut-être qu'à ce moment-là, on ne ressent aucune sensation de faim, ou peut-être qu'au contraire, on sent l'estomac gargouiller. Et parfois, on aura peut-être simplement soif. Plus on va observer, et plus on va parvenir à distinguer les différentes sensations. Ensuite, on peut prendre le temps de regarder ses envies, de prendre conscience de ses envies et de s'autoriser à les écouter, sans chercher à porter de jugement sur elles. Simplement, observer la relation actuelle aux envies et à la nourriture en général, avec bienveillance, en accueillant tout ce qui peut se présenter. De quoi mon corps semble-t-il avoir besoin ? Essayer de sentir si l'appétit s'ouvre davantage sur des aliments crus, cuits, chauds, froids, et observer si l'envie d'aliments croquants ou d'aliments fondants, sucrés ou salés, se présente. Ensuite, si ces envies semblent dictées par des habitudes, par la gourmandise ou bien par un appel naturel du corps qui semble avoir besoin de certains aliments pour fonctionner, alors on va essayer de distinguer ces différentes formes d'envie et de pouvoir tourner l'attention vers le corps et de le relier à la tête pour pouvoir faire un choix conscient. Observer si les sensations du corps ont changé par rapport au début de la pratique et décider en conscience de prendre tel ou tel repas. Alors, votre conseil concernant le petit déjeuner, cela suppose que l'on ait du temps pour prendre le petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre son petit déjeuner sur le pouce. Ah, exactement. Ça nécessite de prendre quand même 5 minutes où on va se poser, se recentrer sur soi et regarder un petit peu à l'intérieur ce qu'il se passe. Et puis, pouvoir se permettre de prendre le choix de chauffer ou pas une tartine, de prendre du salé ou du sucré. Et cette problématique, Dorothée, je pense qu'on la retrouve aussi pour toutes ces personnes qui cherchent à perdre du poids. Oui, effectivement, cette problématique de ne pas mettre assez de pleine conscience au moment du repas ou pour écouter sa faim, eh bien, on la rencontre surtout chez les personnes qui ont envie vraiment de perdre du poids et qui se sont fixées un objectif, un peu comme une injonction, le « il faut », un diktat de la société, c'est bientôt l'été, body summer, les magazines, les réseaux sociaux, enfin voilà, toutes ces choses en fait. Le problème, c'est que sans pleine conscience, eh bien, on risque de passer à côté de son objectif pour la simple et bonne raison que les injonctions sont uniquement faites pour, de façon générale, et surtout marketing, et ne répondent pas aux besoins de la personne. Or, chaque personne a des besoins différents, d'où l'utilité d'observer les différents éléments de l'expérience, comme vient de le décrire Fanui, à travers donc, la méditation avant le petit déjeuner, d'observer ses pensées, ses émotions et sensations, et casser plutôt ses injonctions de performance, finalement. Alors Fanny, est-ce qu'on peut dire que l'alimentation intuitive est aussi une alternative au régime alimentaire ? Alors oui et non, et plutôt non. En ce qui me concerne, je prône l'alimentation intuitive en tant que mode de vie, puisque finalement, c'est le type d'alimentation qui est présent à l'état naturel dès notre naissance. Nous n'avons pas de cerveau mature pour savoir ce que l'on doit manger, et pour autant, on sait se nourrir. Donc c'est plutôt un mode de vie qui est basé sur l'intégration donc, de la pleine conscience dans la vie quotidienne. Là, dans l'alimentation, on va utiliser l'attention et on va se détacher effectivement de la culture des régimes qui est, elle, portée exclusivement par le mental, ce qui nous met en déséquilibre entre le corps et la tête. La culture des diètes ou des régimes nous incite trop souvent à nier les besoins de notre corps. Pourtant, la faim est un mécanisme essentiel qui envoie des signaux au corps pour nous avertir lorsque nous avons besoin d'énergie. L'idée est donc de réapprendre simplement à être à l'écoute de notre corps et à répondre à ses réels besoins. Il est la preuve matérielle, ce corps, que nous existons. Et il nous permet d'interagir avec le monde. Alors prenons le temps de le remercier pour cela et n'en faisons pas un ennemi, mais connectons-nous à lui. Alors, on va donc, avant de passer à la dernière partie de notre émission, écouter donc le deuxième coup de cœur musical. Alors, quel a été votre choix, Dorothée ? Alors, moi, c'est Blinding Light de The Weeknd. Ah, donc c'est un choix tout à fait différent de Fanny, là. Oui, moi, j'avais envie d'un tube qui bouge, là, pour célébrer la lumière du printemps, pour qu'elle arrive enfin. Et puis aussi, parce que finalement, cette chanson, bah, c'est la légèreté. Et puis ça parle d'un amour perdu qu'on aimerait qu'il renaisse. Alors je fais le lien avec l'amour de notre corps, tout à chacun, et l'amour de nous-mêmes, souvent un amour qu'on oublie, qu'on perd dans les injonctions du poids, de la norme, de la beauté ou de la mode. Eh bien écoutons votre coup de cœur musical. We'll be right back. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Alors, dernière partie de l'instant présent consacrée à l'écoute de son corps et plus précisément de l'alimentation intuitive, de l'alimentation en pleine conscience. Alors moi, j'aime bien les phrases qui font du bien, Fanny Dorothée. Alors un principe à partager, j'espère, avec nos auditeurs autour de l'alimentation. Alors je ne sais pas qui commence, Dorothée ? Alors moi, j'avais choisi une citation d'Albert Camus qui dit « Nous habitons notre corps bien avant de le penser ». Très bien. Et moi, je suis restée également sur le corps avec une citation de Pasang Lama, qui est un guérisseur népalais, et qui dit « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier ». Ben, je trouve que c'est très très beau. Hein, ça va nous inspirer. Voilà, on a tous dimanche pour pouvoir réfléchir à ces belles phrases méditatives. Alors pour terminer, quelques références d'ouvrages pour prolonger cet entretien sur l'alimentation intuitive. Alors Fanny, quel ouvrage pouvons-nous conseiller à nos auditeurs ? Alors une référence pour moi, c'est De la culture des diètes à l'alimentation intuitive, et c'est un ouvrage de Karine Gravel. Ce n'est pas une série de conseils nutritionnels ni de recommandations alimentaires, mais plutôt un appel tout en douceur à une révolution de notre façon de penser la relation que l'on entretient avec la nourriture et avec soi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci donc Dorothée et Fanny d'avoir donc co-animé cette émission de l'instant présent. Alors, je remercie notamment Fanny Grandjean, donc diététicienne, hein, je vous rappelle votre qualification, spécialiste du comportement alimentaire et instructrice de méditation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, une petite question, comment avez-vous choisi un petit peu cette orientation professionnelle ? Alors le choix s'est imposé à moi à la sortie de mes études, où j'ai eu la chance d'être encadrée par une diététicienne qui avait été formée en Suisse à l'approche biopsychosensorielle du comportement alimentaire, ce qui fait que j'ai très vite quitté le chemin de la restriction alimentaire et du calcul des calories pour effectuer une alimentation équilibrée, mais plutôt tout de suite revenir à une écoute du corps. Ah ben écoutez, c'est très instructif en tout cas pour moi et pour nos auditeurs. En tout cas, vous êtes bienvenue donc à Radio Fadjet et à l'instant présent pour une nouvelle participation prochainement à une de nos émissions. Dorothée, alors, au mois prochain. Au mois prochain, Jérôme, avec plaisir. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur la page Facebook de Radio Fadjet, de nous faire part des thèmes que vous souhaitez aborder ces prochains mois. Puis si vous avez pris l'émission en cours, sachez que pendant tout ce mois, vous pourrez réécouter donc en replay cette émission de l'instant présent. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de l'instant présent.